Allô? Allô? Ouais, tu joues-tu? Non. Ah. Ouais, j'entends plein de sons de l'interférence. Ouais, il y a un peu d'interférence. Bon. Ah ouais, il est bien pareil. Allô? Parfait. Salut. Okay. Right.